Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, mai 96, l'affaire dite El Gabash, ou le scandale de la rémunération des animateurs producteurs de la télé publique. Le 24 septembre dernier, le ministre de la Culture, Franck Riester, annonçait le regroupement de France Télévisions, Radio France, France Média Monde et de l'INA dans une société commune, une holding qui portera le nom de France Média. Depuis, au sein des différentes structures publiques de l'audiovisuel, les questions fusent. Quelles seront les missions de cette holding? Chaque média gardera-t-il sa différence, son indépendance? Quid de ses moyens? Car l'audiovisuel public est un sujet sensible, tant il est un enjeu politique, économique, social, culturel, où se confrontent salariés, dirigeants, tutelles, ambitions et définitions de ce qu'on appelle les missions de service public. L'affaire des cachets de France Télé au mi-temps des années 90 en est une illustration. En novembre 95, un député révèle les contrats en or signés par Jean-Pierre El Kabash à quelques-uns de ses animateurs vedettes. Était-ce illégal? Non. Était-ce moral, conforme à l'identité de France Télévisions, de payer autant ses stars, comme par exemple Jean-Luc Delarue? Ça se discute. Notre invité aujourd'hui, Marc Handeveld, journaliste, auteur du livre intitulé « France Télévisions off the record, histoire secrète d'une télé publique sous influence », publié en 2010. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bullot, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Notre histoire commence le 10 janvier 1994. Alors imaginez une grande salle, des petits fours, des salariés convoqués, un ministre de tutelle invité, une estrade, et là, derrière le micro, un président tout neuf qui prend la parole et fait un vœu. Osons, osons quand d'autres, à côté, sont fatigués, désenchantés et gagnés par le doute. Osons que chacun d'entre nous ose, allez, disons, au moins une fois par an, osons, et que chacun d'entre nous soit le porte-parole de ce combat pour France Télévisions. Un mois plus tôt, les neuf sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel public avaient fait du journaliste Jean-Pierre El Kabash le nouveau président de France Télévisions. La campagne était-elle gagnée d'avance? On l'a dit. Même lui, alors. En tout cas, et comme souvent, cet homme de 56 ans n'a rien laissé au hasard. Dans le métier, il est une référence. En 30 ans de carrière, il a porté tous les costumes de la profession. Reporter, intervieweur, présentateur de JT, d'émissions, de débats, rédacteur en chef, chef de l'info, directeur de l'information, bref, il a tout fait. Il a connu Radio Alger, la RTF, l'ORTF, France Inter, Antenne 2, De Gaulle, Giscard, Mitterrand. En 80, comme les Français, il change de vie. Sauf que lui ne l'a pas choisi. Remercié de l'info de la seconde chaîne pour cause de proximité avec le président déchu, El Kabash rebondit chez Europe 1. Alors les années passent, le gouvernement aussi, et peu à peu, l'homme à l'écharpe rouge se réconcilie avec le locataire de l'Élysée. Il est comme ça, JPE. Tel un chat, il retombe sur ses pattes. Souvent écarté, décrié même, il revient toujours dans les petits papiers du pouvoir. Et c'est ainsi que le 13 décembre 1993, adoubé par Édouard Balladur à Matignon comme par François Mitterrand à l'Élysée, il est nommé à la tête de France Télévisions. L'un de ses proches, futur homme de main, le journaliste Jean-Luc Manneau, dira plus tard « On a formé une petite bande, on a fait un hold-up ». Dès sa nomination, en effet, le nouveau PDG promet la révolution de la télé publique. Depuis 1981, des révolutions, la télévision en a connu plusieurs, beaucoup même. La première, avec l'arrivée des chaînes privées. Canal+, la 5, M6. Ensuite, c'est TF1 qui est privatisé et la confection des programmes de chaînes publiques est soumise à la concurrence des producteurs indépendants. Le gouvernement Chirac espère ainsi une réduction des coûts de l'audiovisuel public. Mais mois après mois, bouleversé par le désengagement progressif de l'État et l'avènement de la publicité comme moyen de financement des programmes, les deux chaînes de la télé publique s'enfoncent dans la crise. En 1990, Hervé Bourges, dernier président public de TF1, est appelé à la rescousse. L'État met la main à la poche et peu à peu, la télé publique retrouve un cap. Pour consolider l'entreprise, en 92, on crée l'entité France Télévisions avec pour ambition de faire une télévision populaire de qualité, selon les mots du président Bourges, exprimé ici sur le plateau du journal de France 2, le 24 août 1992. C'est très simple, populaire qui s'adresse au plus grand nombre. Le service public ne s'adresse pas seulement à quelques milliers de personnes. Il s'adresse peut-être à des publics ciblés à certaines heures, mais à l'ensemble. Aucun genre ne doit lui être interdit. C'est ça une télévision populaire. Mais c'est une télévision de qualité aussi, qui ne fait pas n'importe quoi. Pas de voyeurisme, pas de paillettes, mais des émissions sérieuses même, et des émissions drôles aussi. Et je crois que nous allons de plus en plus, notamment au travers des émissions de deuxième partie de soirée, affirmer notre différence. Deux ans plus tard, avec Jean-Pierre Elkabbach, changement de ton et de vision. Il faut oser, dit-il. Mais ce « osons », prononcé comme un gimmick devant les salariés, que cache-t-il ? Eh bien un ennemi, ouais, la chaîne d'en face, TF1. Depuis que la 5 de Berlusconi a fermé boutique, question audience, TF1 cartonne et les recettes publicitaires affluent. Or, Jean-Pierre Elkabbach veut une part de ce gâteau publicitaire. Alors, durant des mois, il consulte, il flatte et il drague animateurs et producteurs afin de rajeunir l'audience, concevoir de nouvelles émissions rentables pour les cibles prioritaires des annonceurs et devenir leader en prime time. Voilà, l'époque change, les mots aussi. Et c'est ainsi que, dans le plus grand secret, Elkabbach débauche Michel Drucker et Arthur de TF1 et Jean-Luc Delarue de Canal+. Ajoutez Jacques Martin, Mireille Dumas, Nagui, et vous avez en gros toutes les têtes de gondole de la grille d'entrée 94 concoctée par l'équipe Elkabbach. Et figurez-vous, ça marche. L'audience et les parts de marché font un bond. Mais Monsieur le Président ne s'arrête pas là. Elkabbach est ambitieux, malin et soutenu. Le 18 septembre, il rencontre le ministre du Budget et de la Communication de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy. À ce vieil ami, il demande une coupure pub supplémentaire pour France Télévisions, et pas n'importe laquelle, hein, celle de 19h30, s'il vous plaît, en access prime time. Dans les bureaux des régies publicitaires, on appelle ça un carrefour stratégique où patienterait la célèbre ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats. Nicolas Sarkozy dit oui. TF1 monte au créneau, en vain. Pour l'instant, Elkabbach joue et gagne. Studio Gabriel, ça se discute, les enfants de la télé, la fureur, n'oubliez pas votre brosse à dents, les succès en matière de divertissement s'enchaînent. Le pourcentage de parts de marché publicitaire grimpe, bref, tout va bien, jusqu'au mois de novembre 1995. France Inter. C'est un sacré pavé dans la mare de la télévision publique que vient de lancer Alain Griotret. Le député UDF de Charenton révèle en effet pour la première fois les contrats des stars du petit écran, les vedettes de France 2 et les chiffres d'affaires de leur société de production. Un chiffre faramineux de 640 millions de francs pour les 6 principales sociétés de production. Il ne s'agit pas de bénéfices, mais ces chiffres d'affaires font réfléchir, car les contrats étaient passés dans le plus grand secret. Dominique André vient de le joindre au téléphone. Le rapporteur n'est pas tendre pour France 2. Je trouvais que le phénomène en pleine croissance de dépenser 650 millions de francs de chiffre d'affaires pour les animateurs producteurs, alors que on dépense 600 millions pour la production et 50 millions pour les documentaires, ça me semblait ne pas être fatalement le rôle d'une télévision de service public. À redevance échue, transparence due. Tel est le credo du député Alain Griotret. Les révélations présentes dans son rapport parlementaire sont explosives. La facture de la grille d'Elkabbach est en termes d'investissement, comment dire, salée, pire. Selon les observations du député, les contrats signés mettent en danger toute l'entreprise publique, tant ils sont extravagants. Dans ce rapport, on apprend par exemple que les contrats de ces animateurs-producteurs ne se résument pas à une émission, mais ils assurent à ces animateurs un volume de chiffre d'affaires garanti en échange de la présence de l'animateur à l'antenne. Partant de ce principe, certaines clauses se résument à quelques chiffres sans contenu. Par exemple, Le contrat de CAS Productions, agence fondée par Arthur, comportait la fourniture d'une série d'émissions estivales dont il n'était précisé ni le format, ni le concept, mais simplement le prix unitaire, 1,4 million par émission, un chèque en blanc. On note également les clauses d'exclusivité de ces animateurs producteurs vedettes. Une disposition classique dans le métier, du moins dans les chaînes privées, sauf que certains chiffres donnent le tournis. Par exemple, l'exclusivité de Jean-Luc Delarue coûte à la chaîne publique la bagatelle de 14 millions de francs par an. Au début des années 90, l'image de l'animateur est devenue un bien monnayable. Les chaînes n'achètent plus seulement des programmes, elles investissent dans des capitaux de notoriété à forte rentabilité sur les parts de marché. Tout cela a un coût, bien sûr, celui du plus offrant. Delarue est à la télé d'hier, ce que Neymar est au foot d'aujourd'hui. El Kabach fait tout pour le faire signer, l'embaucher, lui, cette star, et puis d'autres. Pour les convaincre, le président de France Télé offre à certains de ses jeunes animateurs des avances à taux zéro. Pourquoi ? Eh bien, pour qu'ils se lancent dans la production. Les émissions n'étant plus réalisées en interne, les animateurs doivent s'en charger ou sous-traiter avec une maison de production. Avant d'arriver sur France 2, Arthur et Jean-Luc Delarue ne sont pas encore producteurs. Alors, El Kabach propose de les aider à coup d'avance, précisément. Bien entendu, ils acceptent, comme le raconte Arthur dans le documentaire « La télé des années 90 » de Philippe Tullier, réalisé par Pascal Drapier. Dans notre cas de mémoire, ils nous avaient donné une avance parce qu'on était une petite structure et du jour au lendemain, on devait produire des prime time et tout, on n'avait pas de sous. C'est tout ce qu'on nous a reproché. Mais les chiffres étaient tellement fous, quoi. Contrat, chiffre d'affaires garanti, salaire, les révélations du député n'embrassent finalement ni la concurrence, ni France Télé, non. Quelques articles de presse sont publiés, mais on ne peut pas dire qu'ils retiennent attention. Seul Canal Plus en parle vraiment. Denisot, mais aussi les guignols de l'info qui font de Nagui, Arthur, Delarue, des voleurs de patates. En coulisses, El Kabach, lui, reste aux aguets. Car en plus du rapport du député, la Cour des comptes a entamé une enquête sur France Télévisions. Alors, le PDG de France Télévisions prend les devants et rencontre ses animateurs producteurs vedettes afin de renégocier les contrats, comme en témoigne Arthur. Une nuit, Jean-Pierre El Kabach nous fait venir. Il était 2h du mat, quoi. Il nous dit, c'est la merde, les gars. Il ne l'a pas dit comme ça, mais on était tous là. Il nous dit, voilà, il faut que vous fassiez des efforts, nanani, nana, il faut qu'on s'en sort. Moi, je sais simplement qu'il y a certaines personnes autour de la table qui ont dit qu'ils feraient tous les efforts qu'il faut et qui n'ont jamais respecté leur parole. L'homme évoqué par Arthur, qui refuse de rentrer dans le rang, c'est Jean-Luc Delarue. Le 16 novembre 1995, 15 jours après la divulgation du rapport Griotret, l'animateur-producteur de Ça se discute, et déjà dimanche, est convoqué chez le patron. Il se trouve qu'au vu des émissions, la présidence est surprise du coût de ces émissions produites par l'animateur. Delarue fait la moue et noie le poisson. Il est venu avec son avocat, qui rappelle à El Kabach les termes des contrats. Alors le ton monte, les injures suivent. Claquement de porte, Delarue, l'une des pierres angulaires de la maison El Kabach, fait la résistance. Durant des mois, en coulisses, la brouille s'intensifie. Et le 28 avril 1996, coup de théâtre. Au journal de 20h, Daniel Bilalian conclut son journal par la lecture de ce communiqué signé par la présidence. Un communiqué de la présidence de France Télévisions. France 2 a demandé au tribunal de commerce de Paris de désigner un expert pour évaluer le coût des émissions produites par la société de Jean-Luc Delarue, Réservoir Productions. Cette décision a dû être prise à la suite de demandes réitérées de la chaîne à la société de Jean-Luc Delarue de fournir les comptes détaillés de ses émissions. S'interrogeant sur l'adéquation entre le prix payé par France 2 pour ses émissions et les prestations fournies par Réservoir Productions, France 2 avait fait procéder en 1995 à une évaluation par un expert désigné par elle-même. Les résultats de cette expertise avaient conduit à faire des observations aux producteurs animateurs, puis à saisir la justice, statuant en référé pour la désignation d'un expert indépendant. Alors que personne ne connaissait le conflit entre France 2 et Delarue, la présidence de la télévision publique prend à témoin les spectateurs et les journalistes. Grave erreur. Car Delarue connaît les codes de la télé, de l'info comme du droit. Et dès le lendemain, il riposte. Par une action en référé, il obtient de France 2 la lecture d'un communiqué rectificatif lu à la fin du journal de France 2, ce qui est très fâcheux. Surtout que les mauvaises nouvelles s'accumulent. Le 30 avril, Jean-Pierre Elkabbach est comme lâché par son ministre de tutelle, Philippe Douce de Blasi. Invité de questions par A plus B de France Inter, le ministre de la Culture et de la Communication répond ceci. Il est excessivement important lorsqu'on parle de service public, c'est qu'on doit parler de mission de service public, et ensuite on doit parler aussi de la redevance. Il est important de savoir ce qu'on fait avec l'argent de la redevance qui est payée par les Français. La Cour des comptes s'en occupe aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle donnera ses réponses très rapidement. Moi je les regarderai de manière très précise, parce que le service public doit rester le service public. Et vous ferez quoi ? Nous regarderons s'il y a eu des malversations ou pas. S'il y a eu des malversations, il faut être excessivement tonique dans la réponse que nous donnerons. Il faudra sanctionner. Et s'il n'y a rien, il faudra également tirer les conséquences. Malversation, le mot est lâché. L'imagination fera le reste. L'argent des contrats des animateurs producteurs cache-t-il des mécanismes de financement pour des partis politiques ? Par exemple, le député Riotrey n'a jamais évoqué cette hypothèse. Alors pourquoi le ministre laisse-t-il entendre des choses bizarres ? Bon, certes, le rapport de la Cour des comptes publié en 1998 sera accablant pour la présidence d'Elkabbach, notamment au sujet des contrats et des prix des émissions, mais aucune malversation financière ne sera établie. En mai 96, en plein scandale, l'information n'est pas encore connue. Logique, l'enquête est en cours. Et la phrase des ministres initie un doute, une suspicion. Elkabbach est sommé de s'expliquer devant les parlementaires, le CSA, les syndicats. Dans le même temps, Jean-Luc Delarue ne plie pas. Après son premier succès judiciaire, le 2 mai, il convoque le tout Paris pour un grand barnum médiatique. Offensif, teigneux, ombrageux, dans le métier, on présente Delarue comme un killer, un mec qui ne rigole pas. Et lors de cette conférence de presse, il le prouve. Toujours salarié de France Télévisions, il prend un témoin d'opinion en publiant ses comptes. Près de 35 millions de bénéfices de juillet 94 à décembre 95 et 21,5% de marge nette, en incluant la prime d'exclusivité qui le lie à France 2. C'est beaucoup, oui c'est beaucoup, mais selon l'animateur, cela équivaut à la moyenne de l'époque. Bien. Viennent ensuite ces deux questions. Est-ce qu'on est en panne en termes de médiamat, d'audimat et de résultats ? Je pense pas. Est-ce qu'on est en panne en termes... Est-ce qu'on a fait des bêtises ? Est-ce qu'on ressemble à TF1 ? J'ai pas l'impression d'avoir eu dans les journaux. J'ai pas l'impression qu'on me les reprochait. Est-ce qu'on fait des émissions qui sont indignes du service public ? J'ai pas l'impression qu'on me les reprochait non plus. Alors, est-ce que France 2 ressemble à TF1 ? Bien, ça se discute. Et c'est ça, finalement, le problème. L'affaire des sommes allouées aux animateurs producteurs révèle bien plus qu'une folie des grandeurs de la présidence Elkabbach. Elle est le symbole d'un basculement de la télé publique dans la course à l'audimat. Cette télé-là doit-elle rapporter de l'argent ? En tout cas, est-ce sa mission première ? Et comment peut-elle faire quand l'État se désengage ? Car c'est le cas, alors, pour Jean-Pierre Elkabbach, eh bien, il est indispensable de trouver de l'argent, ce qu'on appelle des fonds propres. Et la seule possibilité, c'est la publicité. Audience, part de marché, cible prioritaire, détermine les rentrées publicitaires, on le sait alors, pour rafler la mise. Eh bien, il faut imaginer une partie des programmes et les construire par rapport à ces critères. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Delarue explique, durant la conférence de presse, qu'il n'est pas en panne en termes d'audimat, car l'audimat, c'est sa mission, celle qui assure à la chaîne un retour sur investissement. Au lendemain de cette conférence de presse, l'affaire s'emballe. Presse, télé, radio, Elkabbach fait la une. Moqué, critiqué, fragilisé à l'extérieur. Le président l'est aussi dans sa propre maison. L'argent des vedettes passe mal, notamment chez les journalistes. Mais ce n'est pas le seul problème pour les salariés de télé publique. Monsieur le président Elkabbach est pressé, secret, orgueilleux. Il travaille en vase clos. Dans les couloirs de la télé publique, on parle d'un règne sans partage, au pouvoir illimité, sans garde-fou. Mais enfin, comment a-t-il pu signer ses contrats ? Eh bien, dès son arrivée, Elkabbach a obtenu du conseil d'administration de la télé publique une délégation de pouvoir. Grâce à elle, il peut signer ce qu'il veut, et c'est ce qu'il fait. Pour se défendre, le président parle de nécessaire confidentialité. Sauf que l'homme a confondu vitesse et précipitation, parce que, à trop vouloir jouer la surenchère contre TF1, il en a oublié l'essentiel, le droit. Par exemple, dans ces contrats, les clauses de résiliation sont drastiques pour France 2, mais quasi inexistantes pour les animateurs producteurs. En d'autres termes, en cas de conflit, la chaîne a les mains liées. Jean-Pierre Alcabache le sait. Alors, dès le 7 mai, il lance des contre-feux. Aux salariés, il écrit une lettre dans laquelle il dénonce une campagne de déstabilisation dont sont victimes la télévision publique et ses dirigeants. Une formule qui évidemment ne convainc pas le député Alain Riotrey. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Ce qu'il a fait est fou, et ce qu'il fait maintenant est fou. Le président de France Télévisions sait ce qu'est une émission de télévision, il signe ses contrats, il y en a celui de M. Delarue, on prend des clauses très étonnantes, comme les 16 millions d'indemnités d'exclusivité de M. Delarue. 16 millions ? C'est la totalité de ce qui est versé par les habitants d'une commune comme la mienne en redevance à la télévision. Donc ils ont, les Charentonnais ont la satisfaction de savoir qu'ils paient l'indemnité pour clause d'exclusivité hors taxe de M. Delarue. Fou pour le député, Elkabbach est qualifié de surcroît d'incompétent par Daniel Lévy, représentant à l'époque du SNJ, syndicat national des journalistes. On a réduit les budgets de Géopolis à envoyé spécial. Et il est très difficile, quand je pars en reportage, de trouver une caméra qui fonctionne correctement. D'un autre côté, on s'aperçoit que une grande masse d'argent sert à faire des bénéfices pour des sociétés privées. Ce que j'accuse, c'est en particulier nos dirigeants, les gens qui gèrent cette chaîne, de faire tout et n'importe quoi. La maison France Télé brûle, mais Alcabbach regarde ailleurs. En tout cas, il ne s'avoue pas vaincu et il multiplie les interviews avec à chaque fois la même défense. Les audiences et les recettes publicitaires montent. A-t-il fait des erreurs lors de l'élaboration des contrats? Eh bien, non. La loi du marché est ainsi, il n'y peut rien. Le 13 mai, l'intersyndicale de France 2 l'invite à s'expliquer. Il accepte, tombe la chemise et répond point par point aux inquiétudes. Face à lui, notamment, le journaliste Marcel Triat. À ma connaissance, lorsqu'un apprenti capitaliste veut créer sa société, il fait appel aux banques, il paye des intérêts. Il est rare qu'il trouve dans ses sabots sous le sapin de Noël 46 patates bien chaudes. Mais excusez-moi de vous dire, j'ai pas inventé le système. C'est une pratique que je n'ai pas inventée. Il y a des règles, il y a un marché. C'est pas avec le cercle de minuit auquel je suis attaché que je renforce, que l'on peut... C'est ça notre identité, non? Oui, c'est bien, c'est les deux. C'est pour ça qu'on est encore une chaîne de service. C'est les deux. C'est parce qu'on maintient... C'est pas grâce à Delarue et ses consorts. C'est on maintient les deux. Je suis d'accord. Vous pourriez ajouter Taratata, vous pourriez ajouter Sylvain Augier. Moi j'ai une question à vous poser. Parce que j'ai... Attends, s'il te plaît. Parce que j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, vraiment, là. Vous êtes en train de nous parler de millions de francs. Nous, on est tous à quelques milliers de francs. À chaque fois qu'il s'agit de grappiller 1000 francs par-ci, par-là, il n'y a jamais d'argent. Moi, je suis le premier heurté ou choqué par les... pas le premier, mais je suis aussi choqué que d'autres par les montants qui dépassent et de combien ceux que gagnent ou les revenus d'un Français moyen ou même d'un cadre ou d'un responsable. Mais ce sont des faits. C'est vous qui les avez signés. Qui ont des résultats. Le lendemain, les oraux du président se poursuivent. CSA, Sénat. À la fin de la semaine, Elkabbach se dit heureux, rassuré presque. Et pourtant, dans moins de 10 jours, il démissionnera. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. Tied it to the top of my Japanese car. I came home when I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well, we might have made some friends with some billionaires. Might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye-bye, John. Our love's 57 channels and nothing on. I bought a 44 Magnum with solid steel cast. And in the blessed name of Elvis, well, I just let it blast. Till my TV lay in pieces there at my feet. And they busted me for disturbing the almighty peace. Judge said, what you got in your defense, son? 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. I can see by your eyes, friend, you're just about gone. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. La semaine commence plutôt mal pour El Kabbach, puisque le tribunal de commerce lui donne tort dans l'affaire qui a tout déclenché, celle du contrat de Jean-Luc Delarue. El Kabbach voulait que la justice nomme un expert. La justice refuse. Jean-Marc Four. C'est non, en effet, et ce non est catégorique. Le tribunal de commerce estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert susceptible d'examiner les comptes de la société de Jean-Luc Delarue. Pour une raison simple, ce n'est pas prévu dans les contrats entre France Télévisions et l'animateur. Les contrats entre France Télévisions et Jean-Luc Delarue, explique la justice, ont été signés par deux professionnels avertis. Et France 2, ajoute le tribunal, aurait dû s'entourer d'un minimum de garanties. Sous-entendu, Jean-Pierre El Kabbach ne peut pas demander aujourd'hui à la justice de désigner un expert, alors même que les contrats signés avec Jean-Luc Delarue ne prévoient aucun contrôle des comptes de l'animateur. Autrement dit, semble dire le tribunal de commerce à l'adresse de Jean-Pierre El Kabbach, si vous avez été imprudent, c'est votre problème. Et si aujourd'hui vous vous retrouvez prisonnier de contrats très avantageux pour Jean-Luc Delarue, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Il est trop tard pour les modifier, il fallait y penser plus tôt. Trois semaines après avoir lancé une procédure inédite à l'encontre de l'un de ses animateurs producteurs, la présidence de France Télé est déboutée par la justice. Nouveau revers, nouveau genou à terre pour El Kabbach. Les prochains jours scelleront son avenir. Mais deux rendez-vous peuvent encore le sauver. L'Assemblée nationale et de nouveau les CSA. L'Assemblée d'abord. La commission des affaires culturelles et sociales avait convié la responsable de l'audiovisuel français à débattre du thème « Quel service public, à quel prix, à quel coût ?» Ces jours-là, les députés auditionnent donc le PDG de Radio France, Michel Boyon, le président de la 5e, Jean-Marie Cavada, Sébi Larté, Jérôme Clément et bien entendu, Jean-Pierre El Kabbach. Président El Kabbach, monsieur El Kabbach, s'il vous plaît. Marie, dossier. Pendant deux heures, le président de France Télévisions rappelle, comme il le fait depuis le début de la crise, les bons chiffres de sa présidence, notamment les 235 millions de bénéfices et l'excédent budgétaire de plus de 60 millions en 95. Au sujet des contrats avec les animateurs producteurs, pour la première fois, il reconnaît des erreurs, promet une réforme profonde du système, tout en défendant son bilan. La télévision publique française ne s'est jamais aussi bien portée en termes d'audience, d'image, de qualité, de résultats financiers. Je sais bien qu'il y a les nostalgiques, mais les temps avancent, changent. À chacun son moment pour diriger des entreprises. Et qu'on les laisse agir et qu'on les juge, le moment venu, je l'espère, en toute honnêteté, sans parti pris et en toute impartialité. Derrière cette petite phrase, vous voyez l'ombre d'un homme, le président du CSA, Hervé Bourges. Pour El Kabbach, il est l'homme qui précipite sa chute. Deux jours plus tard, il le retrouve au CSA où, après une première audition au début du mois, le président de France Télévisions a été sommé de faire des propositions afin de diminuer les contrats avec les animateurs producteurs. Devant les sages, El Kabbach promet alors la mise en place de comités afin de vérifier la probité des contrats des animateurs producteurs. Autrement dit, le voilà président sous surveillance. Dans le même temps, en interne, à France 2, une assemblée générale est prévue à la date du 29 mai. Ce jour-là, le personnel de la chaîne vote une motion de défiance à l'égard de sa présidence. Une première. El Kabbach capitule. Taisez-vous, El Kabbach. Le 31 mai, on annonce une conférence de presse au pavillon Gabriel. Imaginez une salle bondée, des petits fours, une estrade, un micro, et là, un président qui avant était tout neuf et qui maintenant dit au revoir.

je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Survolté comme un taureau fou, j'ai le syndrome du canapé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Y'a trop d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire El Kabbach et les cachets de ses animateurs. Notre invité est Marc Andeveld. Bonjour. Bonjour. Je rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste, auteur de nombreux ouvrages, dont un sur notre télé publique, qui a pour titre France Télévision of the Record. Ça veut dire en coulisses, hein. Histoire secrète d'une télé publique sous influence. Alors, la création France Télévision, j'ai bien France Télévision, cette entité-là, précise, qui existe encore, puis pour très longtemps, parce qu'il y aura la réforme, elle va être englobée, mais enfin bon, elle existe. Elle date du 7 septembre 92. C'était quoi l'idée de ce premier regroupement? Alors, en 92, en fait, c'est une marque qui chapeaute France 2 et France 3, anciennement Antenne 2 et FR 3, qui sont les deux plus grosses télévisions publiques à l'époque et qui sont issues de ce qu'on a appelé l'éclatement de l'ORTF qu'on doit à Giscard dans les années 70. À 74 même. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, donc Hervé Bourges, dont on a parlé dans le récit, président de l'audiovisuel public, voulait chapeauter les deux chaînes, donc a transformé le nom France 2, France 3, pour qu'il y ait une complémentarité entre les deux chaînes, face déjà à TF1. Donc ça, c'était l'idée de départ. Puis après, quelques années plus tard, on a déjà créé une holding France Télévisions au-dessus des différentes chaînes et des différentes marques du groupe public. Et après l'arrivée de Sarkozy, en 2009, 2010, je ne sais plus exactement, il y a eu une nouvelle loi qui a créé une entreprise unique France Télévisions. Donc on a regroupé les entités entre toutes ces chaînes-là dans une entreprise unique. Et là, de nouveau, avec les réformes du gouvernement, on a décidé de mettre une holding au-dessus de Radio France, de France Télé, de l'INA, et j'en oublie sûrement de France Média Monde également. Et voilà, donc il y a une sorte de parcours. L'histoire se répète. Exactement, d'aller-retour comme ça, entre on disperse et on rassemble, on disperse, voilà, on rassemble. Voilà, avec toujours l'idée de on va revenir à la BBC, à la française, mais ce qui est en réalité totalement faux. Enfin, on va peut-être en parler. On va en parler après avoir parlé de cette affaire El Kabbach. On viendra à l'actualité qui est celle du service public de l'audiovisuel français, qui va vers le regroupement. Bien, donc France Télé, on a parlé de Monsieur Bourges, voici Jean-Pierre El Kabbach, donc qui devient président de France Télé. Dans quel contexte est-il élu? Qui sont ses soutiens à l'époque? Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, on va dire, par rapport à El Kabbach. Par rapport à ce que j'ai dit? Non, c'est pas pour le défendre. Aurais-je été si méchant? Non, c'est pas pour le défendre, mais en tout cas, c'est pour replacer les intérêts justement cachés. Les intérêts cachés à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Jean-Pierre El Kabbach devient président d'audiovisuel public avec le soutien important, parce que il a le soutien à l'époque de François Mitterrand, président de la République, mais également d'Édouard Balladur. Premier ministre. Et ça, c'est les deux soutiens politiques qu'il a quand il est nommé en 1993. Le maximum, le président et le premier ministre. Tout à fait. En plus de cohabitation. Donc. Tout à fait. Et les deux, d'ailleurs, je l'avais raconté, les deux lui donnent mission, on va dire, ou carte blanche pour attaquer TF1, qui est la plus grosse chaîne de télévision privée, qui est l'ancienne chaîne publique qui a été privatisé. Pourquoi je le souligne, c'est que c'est un cas unique au monde que la grande chaîne de télévision publique ait été privatisée. Donc ça remonte à 86 et à la droite. Et qui devient assez vite une chaîne hyper puissante. Je crois que son 20h est le plus suivi de toute l'Europe. Tout à fait. Mmh. À l'époque, le 20h est le 20h le plus important. Le gâteau publicitaire de TF1 est à plus de 50% de part de marché. Et bien évidemment, l'actionnaire, c'est le groupe Bouygues, avec des relations avec l'État, groupe de BTP, de bâtiments de travaux publics. Et donc, il y a des intérêts extrêmement en jeu, et en fait, moins de 10 ans après la privatisation de TF1, les deux plus grands pouvoirs sous la Ve République, le président et le premier ministre, qui ne sont pas du même bord, eh bien, on considère que TF1 a trop de pouvoir. Donc, oui. On est dans ce contexte-là. Et en fait, El Kabbach, pourquoi tout le monde le lâche en 96? Il y a des raisons politiques, il y a des raisons industrielles. Les raisons politiques, c'est que entre 93 et 96, manque de peau pour lui, c'est, on va dire, Chirac est élu. François Mitterrand meurt le 8 janvier 96. Donc, il perd coup sur coup ses deux soutiens politiques. Oui. Et El Kabbach avait énormément soutenu Balladur. Je cite Jean-Luc Manot, l'ancien patron de directeur de la formation de France 2 à l'époque. Il me l'avait expliqué que El Kabbach soutenait Balladur pendant la campagne. Mmh. Bon, donc manque de peau pour El Kabbach, ses deux soutiens politiques disparaissent. Et ensuite, sur le plan industriel, c'est un, il a attaqué TF1 et le gâteau publicitaire de TF1, parce que ça c'est extrêmement important, c'est qu'en augmentant les parts d'audience et de marché, notamment en faisant venir les fameux animateurs producteurs sur les grilles de France 2, ça a marché au niveau de l'audience, et donc il a attaqué le gâteau publicitaire de TF1. Et c'est important. C'est une déclaration de guerre pour TF1. Mais c'est important que vous rappeliez à quel point il était... commander en fait, c'était sa mission. Oui. C'est pas, il a pas pris ça sous son bonnet. C'est pas El Kabbach qui a décidé tout et qui est coupable de tout. Non, d'ailleurs, ce qui est très important, c'est que un, les animateurs producteurs, en fait, le système des animateurs producteurs a été initié pas par El Kabbach mais par Hervé Bourges, c'est-à-dire sous Hervé Bourges. C'est sous Hervé Bourges qu'a commencé l'externalisation. Qui est le premier à critiquer El Kabbach. Qui est le premier, pour se venger. Qui était à l'époque patron du CSA, mais pour se venger du fait qu'il a perdu la direction de France Télévisions, malgré sa proximité historique avec François Mitterrand. Mais entre-temps, on était sous la cohabitation Balladur-Mitterrand. Et à l'époque, l'enjeu pour El Kabbach, c'est d'attaquer TF1, parce qu'on lui demande d'attaquer TF1. Il y a un truc très important, c'est que Bourges, quand il était président de l'audiovisuel public, avait demandé à ses troupes, ça je le sais de différents témoignages, avait demandé à ses troupes de ne pas augmenter trop l'audience par rapport à TF1. Pour pas énerver trop le groupe TF1. Parce que ça, c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est que l'audiovisuel public, ça a toujours été utilisé comme une variable d'ajustement structurel dans le marché de l'audiovisuel. C'est-à-dire que les chaînes privées, notamment TF1 en tête, ont toujours fait du lobbying auprès des pouvoirs publics contre l'audiovisuel public. Donc ça a été toujours ce jeu-là. Et la deuxième raison industrielle pour laquelle on va dire El Kabbach a perdu tous ses soutiens, en plus d'attaquer TF1, dans le même temps, et là c'est paradoxal, mais vous allez voir, dans le même temps, il engage France Télévisions dans la constitution d'un bouquet satellite qui est TPS à l'époque. Oui, TPS. Et absolument. TPS, il le fait avec TF1, il le fait avec M6, et il le fait avec la Lyonnaise des Eaux, notamment. Et là, il attaque qui? Il attaque un acteur que vous avez cité tout à l'heure. Il attaque le groupe Canal+, qui avait lancé son propre bouquet satellite, Canal Satellite. Absolument. Et Canal+ était furieux que le groupe public permette la création de ce bouquet satellite concurrent. Mm-hmm. Ça explique aussi pourquoi, du côté de Canal+, pendant toute l'affaire des animateurs producteurs, les voleurs de patates, les guignols comme Canal+ est relayé largement de quoi déstabiliser d'un point de vue médiatique Jean-Pierre El Kabbach. Ça, c'est pour le contexte des rapports de force. Bon, c'est pas pour excuser la politique d'El Kabbach, mais c'est pour expliquer pourquoi il est tombé. Et il le faut. Il faut le faire. Absolument. Et la deuxième conséquence de ça, c'est qu'une fois qu'El Kabbach est tombé, en réalité, le système a perduré. Le système des animateurs producteurs. Est-ce qu'il a même été pire avec d'autres présidents après? Voilà, moi c'est ce que j'ai découvert il y a 10 ans quand j'avais enquêté sur ce dossier-là. En fait, l'âge d'or des animateurs producteurs sur l'audiovisuel public et sur France 2, c'est pas El Kabbach, même si El Kabbach a déjà été un premier âge d'or, c'est la période des 6 ans de Marc Tessier. Je vous donne deux chiffres pour comprendre. Tout à l'heure, on a parlé d'une augmentation du chiffre d'affaires. Je ne parle pas de bénéfices, mais du chiffre d'affaires. Sous El Kabbach, on est passé de 174 millions de francs à 545 millions de francs. Oui, je l'ai dit dans le récit. Voilà. Eh bien, sous Tessier, on passe aux euros, mais sous Tessier, en six ans, on est passé de 77 millions d'euros à 146 millions d'euros pour les animateurs producteurs. On parlait tout à l'heure de 14 millions de francs de chiffre d'affaires pour Jean-Luc Delarue sous El Kabbach. Sous Tessier, il avait un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Ouais. Donc les rapports ont été démultipliés et notamment sous Tessier. Le véritable âge d'or des animateurs producteurs, c'est en fait sous Marc Tessier. D'accord. Donc et la propension du groupe public à externaliser, on l'a dit, externaliser ses moyens de production et notamment sur les émissions de ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire les animateurs producteurs, mais également les talk-shows, toutes ces émissions-là. Ce qui évite une masse salariale. Hein. Ce qui évite effectivement une masse salariale, ce qui évite les syndicats également. Donc là, on est dans une logique du client, ben. On est dans une logique purement néolibérale, et ça, l'État et notamment Bercy a toujours souhaité en France, de développer cette externalisation du côté du service public. Aussi pour une raison politique, c'est que les animateurs producteurs, comme les producteurs d'ailleurs, ce qu'on appelle de stock, c'est-à-dire les documentaires et également les fictions, donc soi-disant les producteurs sains entre guillemets, c'est-à-dire qui font de la culture par rapport aux animateurs producteurs, du mieux-disant culturel, voilà, comme on disait dans les années 80, par rapport aux animateurs producteurs, les méchants, eh bien il y avait un intérêt du Parti Socialiste et de Mitterrand au début des années 80 d'avoir de l'influence politique sur l'audiovisuel public, qui était en fait une création ancienne de l'ORTF et donc des gaullistes et puis après de Giscard. C'était une manière de récupérer une clientèle, c'est-à-dire les producteurs, pour faire de l'influence politique au niveau de l'audiovisuel public. Bien, alors, on va écouter un extrait d'une Assemblée Générale de France Télévisions qui date de la fin du mois de mai 96, et à travers ce qu'on entend, on va comprendre à quel point, si je puis dire, si j'ose dire, osons, le verre était dans le fruit. Aujourd'hui, si vous exigez le départ de la direction actuelle et de son président, si vous menacez de faire grève bien que vous n'en ayez pas envie, parce qu'on n'est pas là pour sacrifier l'outil qu'on aime, eh bien vous obtiendrez tout ce que vous voudrez, parce que vous êtes les plus forts. Je suis un peu ému parce que moi j'aime la télé. En refusant le système, il est normal de refuser l'homme qui le symbolise actuellement et qui l'a mis en musique. Et au-delà de lui, je pense qu'il faut refuser l'ensemble de ce système, de toute cette externalisation de la production, hein, qui fait que nous sommes vidés de notre substance et que tout ce qui est mis à l'antenne de l'histoire ne nous appartient plus. Voilà, donc effectivement, El Kabbach se trouve être l'homme qui a initié cette façon de faire de la télé dans le public, mais il était missionné, faut le dire, on n'est pas à charge. Hein. Vous l'avez dit, le président Tessier a fait encore mieux ou encore pire, ça dépend de quel côté on se place. Que s'est-il passé après? On est revenu dans le service public de la télé, je parle de la télé parce que nous sommes ici dans le cœur du service public de la radio. C'est pas les mêmes problématiques. Non, c'est pas les mêmes problématiques. D'ailleurs, je précise que nous n'externalisons pas d'émissions ici, on fait tout nous-mêmes. Hein. Là, on fait là en direct, ici dans les studios. C'est une vertu, je pense. Tout à fait. Mais bon, je suis d'accord. Après, la télé, ça la regarde. Voilà. Alors, que se passe-t-il après? J'ai dit bien pour la télé. Alors, pour la télé, en fait, après l'ère Tessier, il y a eu l'arrivée d'une concurrence exacerbée au niveau de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'il y a eu le développement de la TNT. Il y a donc multiplication des chaînes, donc également les coûts de production ont diminué avec via les intermittents du spectacle sur toutes ces chaînes, on va dire low cost. Il y a eu également le développement des écrans, la multiplication des écrans avec Internet, bien sûr. Ce qui fait que les diffuseurs historiques publics comme privés ont dû petit à petit renégocier avec leur star du moment. Moi, ce que j'avais découvert, c'est que même quelqu'un comme Patrick de Carolis, qui a été le successeur de Marc Tessier, qui avait décidé d'attaquer les ventes, ce qu'il appelait les ventes par appartement, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le fait d'assurer un volant de chiffre d'affaires, peu importe les émissions commandées, à différents animateurs producteurs. Donc ça, ça avait lieu encore sous le mandat de Marc Tessier. Et quand arrive Carolis en 2005, il attaque bille en tête ce système-là. Sauf que il attaque bille en tête ce système-là, il renégocie, en tout cas c'est ce qu'il annonce, et il veut également renégocier les marges. Bon, au final, après 5 ans de mandat de Carolis, les marges, il aura réussi à négocier au mieux 5% tous les contrats des fameuses stars de Drucker à Patrick Sébastien. Et en fait, au regard des moyens de négociation des chaînes privées comme TF1 ou M6, France Télévisions a moins réussi à renégocier ses contrats que ses concurrents du privé. Donc en réalité, l'opération était nécessaire, mais encore une fois, c'est toujours le service public qui permet à certains de d'empocher maximum de bénéfices par rapport aux chaînes privées. Donc ça, c'est, on va dire, ce qui peut se passer après, ce qui a pu se passer par la suite. Le système, finalement, a quand même perduré même aujourd'hui, même si avec la concurrence exacerbée, les prix ont été en partie renégociés. Mais ce qu'il faut savoir pour vos auditeurs, c'est qu'une bonne partie des émissions de télévision du groupe France Télévisions, y compris France 5, sont externalisées. Donc par exemple, C'est dans l'air, qui est un talk show, on va dire, politique, d'analyse, d'information générale le soir, qui est regardé quand même par nombreuses personnes, C'est dans l'air n'est pas produit. Alors, par France Télévisions, c'est produit par Lagardère, par le groupe Lagardère. Il y a, et c'est comme ça sur tout un tas d'émissions du service public. Et ça, cela, ça a perduré. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va créer une holding et le gouvernement dit, on fait une BBC. En fait, ça n'a rien à voir avec une BBC, parce que la BBC, historiquement, justement, a conservé ses moyens de production, et notamment audiovisuels. Et là-dedans, c'est pas uniquement des salariés, des techniciens et la maîtrise des moyens de production. La maîtrise des moyens de production, ça passe par la maîtrise des droits audiovisuels. Et ça, c'est très important dans un monde où c'est plus le diffuseur qui a le pouvoir, mais c'est où ce sont les producteurs de programmes qui ont le pouvoir. Or, aujourd'hui, la grosse difficulté pour la télévision publique en France, c'est qu'ils n'ont pas la maîtrise de leurs propres moyens de production. C'est-à-dire qu'ils financent les programmes, ouais, mais en réalité, ils n'ont globalement, à part quelque part de coproduction, ils n'ont pas les droits sur les programmes. C'est un problème de ligne éditoriale. La télé publique ne maîtriserait pas l'ensemble de sa ligne éditoriale. C'est au-delà de la ligne éditoriale, c'est que le service public, aujourd'hui audiovisuel en France, n'a même pas les moyens de son autonomie économique, parce qu'en réalité, la plupart des droits des programmes sont aujourd'hui aux mains de sociétés privées. Et la grande différence par rapport à l'affaire Elkabbach ou par rapport à la période Tessier, où il y avait les fameux animateurs producteurs, c'est qu'on a assisté dans le milieu de l'audiovisuel depuis une dizaine d'années, public comme privé, à une concentration des boîtes de production. Et aujourd'hui, ces boîtes de production appartiennent à des très grands groupes. Oui, la taille critique, quoi. Et voilà. Et donc, ces grands groupes, c'est quand même, je vais les citer, Banijay qui appartient à Bolloré. Banijay, c'est le producteur, par exemple, de Nagui. C'est le producteur, par exemple, de 28 minutes sur Arte. Mmh. Mais TF1 a elle-même investi dans une très grosse maison de production qui est Newen. Newen produit, tiens donc, Plus belle la vie sur France 3. Quel mécano. Voilà. Touche pas à mon poste, qui est produit par Banijay de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, à la base, c'était une licence, entre guillemets, enfin, c'était une émission qui, il faut se souvenir, avait été diffusée pendant un an sur France 4. Et là, on voit l'intérêt pour les chaînes publiques d'avoir la maîtrise et la propriété des marques et des droits, parce que en réalité, s'ils avaient la propriété des marques et des droits, Touche pas à mon poste n'aurait jamais pu se retrouver, en tout cas au détriment des intérêts du service public, n'aurait jamais pu se retrouver sur d'autres chaînes, et notamment des chaînes du privé. Vous remarquerez que dans notre discussion, on parle que d'argent, hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, c'est pas un problème. Merci infiniment pour vos explications extrêmement précises. J'apprécie énormément. Mais ce qui est terrible, c'est que là, on parle de quelque chose, d'une identité qui doit nous donner de la culture, du divertissement, de la rigolade aussi, tout. Et on parle fric. Alors, pourquoi on parle fric? Parce que vous avez noté tout à l'heure la différence. Contrairement à la radio, la télévision, ça coûte cher. Mais oui. Et la télévision, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte ni par le ministère de la Culture, ni par le ministère de Bercy en France, donc les tutelles de l'audiovisuel public, ni même par le grand public, c'est que la télévision, qu'elle soit publique ou privée, ça reste une industrie. La question, c'est est-ce que cette industrie peut être aux mains d'une entreprise publique autonome avec une indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, ou est-ce qu'au contraire, la télévision publique est considérée comme une administration à la botte du pouvoir? Alors là, cette réforme qui est en route, hein, est-ce qu'elle répond à cette exigence d'indépendance, selon vous ? En aucune manière. C'est-à-dire que le discours officiel aujourd'hui, c'est de dire on va créer un conseil d'administration avec une fameuse holding. Ouais. Et c'est ce conseil d'administration qui va nommer le président de France Média. Et donc, le pouvoir n'a plus son mot à dire. Bon, déjà, dans les représentants au conseil d'administration, l'État a des représentants, aura des représentants, le Parlement aura des représentants, et il y a même des représentants, on va dire, dits indépendants qui seront en réalité nommés par le pouvoir. Donc en réalité, ce jeu d'influence politique aura toujours lieu au sein même du conseil d'administration. Et la holding servira d'abord à partager le gâteau avec plus d'acteurs, mais le gâteau qui va se réduire, c'est-à-dire le financement de l'audiovisuel public. Et donc, c'est pour ça que pour Radio France, c'est très difficile, parce qu'il va falloir jouer des coudes au sein de la holding France Média pour, en gros, dire, nous, on existe et on a besoin aussi d'argent. Oui, mais on a un avantage dans cette situation difficile, c'est qu'on arrive fort, Radio France. Vous avez vu les taux d'écoute. Oui. Inter est devenue la première radio de France. Ça couvait depuis un moment. Ça y est. France Culture fonctionne très bien. France Info, c'est formidable. Je dis pas ça par esprit maison, mais je le dis un petit peu au passage quand même, mais ce sont des faits. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver fort. Oui, c'est vrai. Non, mais Radio France est forte. La Radio France est forte, notamment d'un point de vue éditorial, avec une ligne éditoriale affirmée, assumée, et qui a trouvé son public. Audience. Et qui a trouvé son public. Oui. Et donc, on en revient sur la question de l'audience. Donc, l'audience est importante. Mais pour revenir à France Média, au bout du compte, ça va être un grand machin qui va être créé sans le moteur pour permettre... Alors, le moteur, c'est quoi, justement? Pour l'audiovisuel public, c'est les droits, c'est les programmes qui pourraient être, dans un monde idéal, diffusés, y compris à l'échelle internationale, et pour permettre à ce qu'il y ait une vision du service public audiovisuel qui s'affirme même au-delà des frontières. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On aura bien sûr, l'occasion d'en reparler, y compris avec vous, Marc Andevel. Je rappelle le titre du livre qui fait un peu référence, hein, qui a fait référence pour préparer cette émission, France Télévisions Off the Record, histoire secrète d'une télé publique sous influence, peut-être l'est-elle encore, peut-être le sera-t-elle encore, on verra. Merci en tout cas, c'est fini. Vous allez prendre la parole, mais c'est fini. Merci infiniment, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire El Kabach et le salaire, le cachet des animateurs. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre, référence et vos commentaires. Bien sûr, merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui.